Belle nouvelle hier, je suis certain que tu n'attendais pas. Bertrand Godin, qui collabore de temps à autre avec moi en course automobile, a eu une belle nouvelle hier. Il sera intronisé au Temple de la renommée du sport automobile canadien. Je ne savais même pas qu'il y avait un Temple de la renommée du sport automobile canadien, quoi que la chanson lui passe. Salut Bertrand. Hey, salut. Ah Bertrand, ben oui, le félicitations, tout d'abord. merci. Sport automobile, je ne savais même pas qu'il y avait ça. C'est où, hein? C'est à Toronto, ça fait depuis 1993 qu'on retrouve les intronisés. Il y a des noms tellement célèbres, mais on parle Greg naturellement de Moore. Gilles Villeneuve, on va parler de Greg Moore, on va parler des deux Jacques Villeneuve, on va parler Paul aussi des Ron Tracy. Fellows, Paul Tracy. Pat, est-ce que Pat est là? Pat sûrement Pat là. va être intronisé lui aussi dans la même Là. cohorte, si on OK. veut. On fait partie des 16 tous les deux. C'est un honneur d'être en compagnie de Patrick pour vivre ce beau moment-là. Comment ça fonctionne? Ben, comment ça fonctionne? C'est un membre de. C'est un comité qui reçoit des mises en candidature. Ce que j'ai su, c'est qu'il y avait 40 mises en candidature cette année. Et puis sur les 40, ben, ils en ont choisi 16. Et là, ben, on va chercher non seulement des pilotes, mais on va chercher aussi des journalistes, des promoteurs. Donc, François Dumontier a été intronisé tout comme France, comme Et on a l'ancien avant du Montier là, qui non, était ouais, Normand Legault, Normand je veux Legault, dire, oui. Normand Legault, mais il y en a d'autres aussi qui ont été impliqués et puis qui ont marqué le sport automobile de brillante façon par leur dévouement, leur passion. OK. Bertrand, si on parle de ta carrière, moi je t'ai connu évidemment en Formule Atlantique. Tu avais gagné même à Montréal, je pense en 98 ou 99, quelque chose de même, ça remonte. 87. 97, donc ça remonte très, très vite. Tu es allé en Europe également. C'est une belle carrière remplie pareil. Est-ce que tu as des. Oui, c'est sûr que tu as sûrement des regrets, mais est-ce que tu as des regrets quand même? Est-ce que l'IndyCar aurait pu Oh être une non. possibilité pour toi, non? J'ai pas de regrets. Écoutez, c'est certain qu'on fait du sport automobile par passion. Puis quand on m'a appris la nouvelle, je me suis revu dans le cours d'école avec ma petite brouette en train de gagner le Grand Prix de Monaco, les 500 000 d'Indianapolis de façon imaginaire, le Grand Prix du Canada. Donc après ça, bon, c'est des opportunités, hein. Vous savez, C'est sûr, puis plus que ça. là où je suis le plus fier, c'est d'être, d'avoir osé partir avec 200 $ en Europe, ce qui m'a permis de devenir premièrement professionnel. Et puis, des beaux 200 moments. dollars en Europe. Ah oui. Ouais, ben, c'est ça. Souvent, les gens pensent que c'est l'argent qui est la plus belle valeur, mais non, c'est l'être humain. Et moi, j'ai rencontré des êtres humains extraordinaires durant ma carrière qui m'ont permis de pouvoir, du sport automobile parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Mais chaque petit pas que j'ai fait, t'sais, je respirais pour le sport automobile. Je déjeunais, je pensais sport automobile. Je m'entraîne encore et puis je pense toujours au sport automobile. J'ai du plaisir quand je suis derrière un volant, que ce soit dans une Formule 3000 qu'on appelle aujourd'hui Formule 2, qui est juste avant la Formule 1. J'ai eu la chance de piloter ça sur des circuits comme Monaco, Silverstone. Et puis, j'ai encore du plaisir à conduire mon tracteur à gazon. Donc, pour moi, le pilotage, c'est ma Ah, passion. regarde, on voit Jacques Villeneuve, oncle, Jacques Villeneuve, oncle, c'est terrible, là. Il a à peu près eu tellement d'accidents, il va conduire jusqu'à sa mort, je pense. C'est une Ah, mais passion. là, il a arrêté. Là, OK. oups, Oups, on excuse. a eu un petit problème, un Ouais. petit problème Donc, technique. il Oui, arrête. OK, donc, il a il a arrêté. arrêté OK. parce que justement, Il y a eu des problèmes de il y santé avait aussi? un problème de santé, il a vécu, ben, il a vécu. En tout cas, il combat toujours un cancer, puis il combat de brillante façon. Combattant sur la piste, combattant sur la vie pour l'ami Jacques. Attends, moi, il y a quelque chose qui m'a fasciné. 200 dollars. Tu as dit, j'ai parti en Europe avec 200 dollars. Comment ça se fait? Comment tu as été 200 dollars? Comment tu as fait? Tu as beau être des années 90. Écoute, en course automobile, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de volant. C'était ça. Ouais, ben. C'était moins vrai dans le temps qu'aujourd'hui, avec Ouais. l'écurie Players. Mais comment ça s'est passé? Qui t'a convaincu d'abord de partir? Raconte-moi ça un peu. À l'époque, je faisais du karting et puis René Fagnan, Ouais. un bon ami à moi, m'a dit, écoute Bertrand, si j'étais toi, j'essaierais de courir en monoplace. J'étais capable, à l'époque, le karting, ça m'avait coûté 5 000 $ pour en 1991. Aujourd'hui, c'est hors de prix. Je n'aurais pas été capable de faire ça. Mais René a découvert qu'il y avait des écoles de pilotage en Europe où si tu étais le meilleur pilote, ben là, tu réussissais à gagner une commandite pour pouvoir justement faire la saison. Et donc, je me suis inscrit, ça coûtait 8 000 $, j'ai emprunté 8 000 $ à mon gérant de banque qui m'a prêté. Et donc, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, on a remporté le concours. Mais là, il fallait que je laisse C'est ma famille, mes plus, ouais. amis, mon travail pour aller vivre en Europe. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu ici. Puis là, il y avait des compagnies qui m'avaient dit, Bertrand, on ne peut pas te financer pour que tu puisses. Pour la quincaillerie, si on veut, pour la voiture, les pneus, tout ça. Mais si tu gagnes un volant, on va te financer ta vie. Et quand je suis revenu avec le trophée et la preuve de victoire, ils m'ont dit, ben garde, malheureusement, c'est la récession, on ne pourra pas t'aider. Donc, c'est comme ça que j'ai vendu ma voiture et j'ai acheté des billets d'avion. Et puis, il me restait juste ça dans les poches. Voilà, Mais incroyable. par la suite, ben, j'ai eu un petit appartement. Je vivais très modestement dans un petit appartement qui me permettait de vivre. Je n'avais pas de voiture dans la vie de tous les jours. J'allais laver mon linge, j'avais vu Andri en joguant 4-5 km à toutes les fois. Mais que ça a été des beaux moments de vie. Ah, c'est la C'est passion, hein. On fait pas ça. Je peux très bien te comprendre. Moi, j'ai un podcast de sport, puis je fais ça par amour du sport. Je fais pas ça pour l'argent. Ça fait 13 ans que je fais ça. Donc, là là. je peux te comprendre quand même, là. Donc, quelqu'un est passionné, quelque part, ça comble un peu les pertes financières. Et là, il est arrivé l'écurie Players par après. Puis t'as couru dans l'écurie Players. Je me rappelle très bien, tu étais avec. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, j'en reviens pas comment que ça a tué le sport automobile au Canada. Il y avait une belle relève, il y avait des Bertrand Godin, Patrick Carpentier, eux, ils ont profité. Tu avais des Tagliani, tu avais des Greg Moore, mais tu avais Claude Bourbonnais également qui aurait pu avoir une belle carrière. Mais par la suite, c'est par la suite, là. C'est Andrew Rangé aurait pu avoir un volant, Marc-Antoine Camiran aurait pu avoir un volant, Raphaël Lessard, c'est ici. C'est incroyable comment que le sport automobile ça a tué l'affichage. Disons que ça pas aidé, c'est certain, mais lorsqu'on regarde des pilotes comme on vient de les nommer, les Camiran, Raphaël Lessard, Andrew Rangé et compagnie, Quel gagné, j'ai nommé quel gagné aussi. ils ont énormément de mérite lorsqu'on regarde à l'époque où j'étais justement avec Alexandre Taglioni dans l'écurie Players, on était payé des gros salaires pour pouvoir piloter. Aujourd'hui, il faut trouver l'argent et je peux vous dire que c'est pas évident. Mais n'empêche que cette passion-là, on est prêt à relever le défi et puis on s'investit dans ce sport-là. Et notre paye, c'est vraiment le plaisir qu'on y retrouve de pousser une voiture à la limite. C'est ça qui est important. Aurais-tu aimé ça de monoplace, NASCAR, c'est... Ben, j'ai piloté quelques occasions en NASCAR. OK, C'est certain que c'est très différent, hein, parce qu'une monoplace, les limites sont très, très loin, tandis que le NASCAR, ben, les limites sont plus faciles à atteindre. Par contre, la gestion est très différente. De toute façon, je compare le sport automobile beaucoup à la musique en disant, bon, il y a plusieurs instruments en musique, la trompette n'est pas plus importante que le piano, mais si tu veux jouer de la trompette, il faut que tu apprennes à jouer de l'instrument. Comme faut que tu apprennes à piloter une voiture NASCAR ou monoplace ou rallye. C'est pourquoi qu'à chaque fois que je vois des acrobates du volant dans diverses séries, je suis toujours admiratif. C'est vrai ce que tu dis là, mais c'est plus dur probablement pour un pilote de NASCAR allant en monoplace. On voit que Jimmy Johnson, je ne sais pas si tu suis le calendrier, le championnat du NASCAR, de IndyCar cette année. Jimmy Johnson en arrache, là. Tu sais, c'est pas facile. C'est pas évident. Ouais, c'est vraiment pas évident. Puis c'est un gars qui a gagné quoi? 6-7 championnats NASCAR, le fils? Ah oui, ben tout à fait, Ouais. mais il a beaucoup de mérite de se C'est. lancer dans cette aventure-là Ouais. parce que c'est de réapprendre, ça prend beaucoup d'humilité et Jimmy Johnson, chapeau. Ouais. Bertrand, félicitations, bravo. Écoute, ça ne peut pas arriver à un meilleur gars que toi. Bonne chance aussi, puis on va se reparler pour la course automobile d'ici la fin de l'année. Ben, c'est bien gentil. Un grand merci. Notre ami Bertrand Godin, qui a été accompagné de Patrick Carpentier, qui ont été choisis pour le temps de la renommée du sport automobile canadien. Merci Bertrand, merci. Hey, merci beaucoup, hein. OK. Ben, à la prochaine. Attention à OK. toi. Merci, salut. Bye.